On n'est pas comme eux, je reviens de loin, y'avait rien. Tout commence par l'histoire d'un jeune Algérien. Un jeune Algérien qui s'est souvent gamé. Le dépôt, la gamelle, le dispatch, la sortie. Avec élégance, il s'est toujours rêvé. Y'a que devant sa mère qui ravale sa fierté. J'ai pas de rivaux, fais caca, t'es un riverain. J'm'arrête pas, j'suis une rivière, t'éteins pas, j'suis une galère. J'dirais pas que j'suis futé, mais ma gueule, j'suis têtu. J'ai tâté le zifu, style de foot, ni pop, ils ont fini de becter. Ma broutille est classée, guette la classe, ben des du pack, tu vends des kilos. Ctarable à 20 cali, ton classé, c'est une queue, ton bigo, il est froissé. Et tu fronces les sourcils, tu fronces les sourcils. Mais dos, ça croussard, c'est la scol, pas de hasard, sous le bazar dans le classement. J'débute ça depuis le début, j'veux déteindre, je t'invu. J'ai cambu pour des prunes, maintenant j'ai mon prunier. Personne m'a parrainé, j'te parie qu'ils ont seum, casse du seum, pas du smith, RL, c'est ma vie. Vends la juge, j'ai rien vu, c'est pas moi, c'est la rue. Dans cette hurle, j'suis tombé depuis le berceau, elle m'a bercé. Les murs gris, c'est blasant, par ton arda vers mon blas. C'est bizarre, t'es l'enfant pour des bêtises, tu fais le fou. Arrête tes foutaises, ma tête chaude, j'vais taper. Ta meuf t'a trompé car tu joues de la trompette. Ma gueule est trompate, fais le trompate et une tapette. Les petits de la cité te voient comme une tepue. La squale à 13 ans, c'est du sale, ça aurait pu. J'ai pas de répit, me pose pas la question. Du shit, la queue, ce con, j'en ai coupé des litrons. Jamais plaît, des coupables, des coups durs sur mon tavé. Là, ton poids, ta bouca pète avec une pouquille. Les poulets l'ont farci, prends, je sais pas, une farce. Ton ami t'a trahi par principe, tu le fais pas. Un rat, c'est un rat, la squale, c'est pas une raclure. J'ai mangé des raclés, bien plus chaude qu'une raclette. Je rentrerai pas dans vos fesses, j'ai fêté mon alif. Rabat ta langue, le minot a grandi. Le mini, il manie, baisse la mère inconnue. Le mini, il manie, les minots et par jour. La squale, ben des gros, 22 semaines, ça freine pas. 24 ans, en 5 mois, c'était la merde, j'y crois pas. Maman, t'inquiète pas, je suis plus fort que papa. Le mini, il manie, les minots et par jour. La squale, ben des gros, 22 semaines, ça freine pas. 24 ans, en 5 mois, c'était la merde, j'y crois pas. Maman, t'inquiète pas, je suis plus fort que papa. Il est parti ce vilain, mais t'auras ta vie là. T'es tu comme Tartuffe, t'es tout seul, moi et mon split. Moi et ce regard pensé, qui aurait cru, qui aurait dit. J'ai écrit, c'est parti, maintenant je viens de faire Tony.